fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui est un assemblage requis. Justine Renaud aiguisera nos esprits dans sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Et Tania coupera les nouvelles sportives en délicieuses lanières dans son segment Sport et Filoché. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 7 février 2017, à 79 jours de la fin de l'année scolaire, en temps direct des studios de Tifo à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Oh, salut Tania, qui fait attention. Oui. Je fais pas de voix. Non, je sais, j'ai encore un petit peu de difficulté. Ouais. Je vous dirais que c'est pas vraiment le niveau de la voix, c'est plus la gorge qui serre. OK, oui. Ouais, c'est ça. Ça fait mal, la douleur. Ouais, ouais. On dirait que j'ai une grosse amygdale. Ouais. Tania qui n'était pas avec nous hier, elle est de retour pour nous faire une chronique de sport tantôt. C'est pas mal tout ce qu'on peut, tout ce à quoi on peut s'attendre de ta part. C'est pas mal ça. Ben, une couple de commentaires ici. Oui, des reaction shots, comme on l'appelle. Exactement. Oh, ouais. Qu'est-ce qui s'en vient dans Sport et Filoché? Bien, on va faire le tour de ce qui s'est passé durant la fin de semaine du côté des Patriotes de l'UQTR. Pas ceux qui jouaient au Super Bowl, là, les autres. Ceux qui sont habillés en vert et orange. Parce que bien évidemment, on ne parlera pas du Super Bowl. C'est pas quelque chose dont on discute ici. Ouais, c'est ça. On va faire le tour de ce qui s'est passé du côté de nos athlètes de l'université, puis aussi du côté des sports locaux, c'est-à-dire les équipes locales, dont le Blizzard de Trois-Rivières. Super. C'est plus tard, vers les 8h et quelques, juste après la chronique de Justine. Moi, je vais faire les instructions d'assemblage plus tard dans l'émission, vers la fin. Mais on débute avec Justine Renaud. Salut Justine! Bonjour, bon matin! Allô, je crois qu'on a tous la tête dans le piteux matin. C'est fou, hein? Non? Moi, je dis que c'est à cause du moins 29 degrés. Pas à là. L'extérieur. Oui. En ce moment? En ce moment, en Mauricie, apparemment, il fait moins 29 selon Radio-Canada. Ah oui. Bon, Radio-Canada, ouais. Sont des patates. On leur dira pas. Selon Justine, il fait moins 5. Bon, c'est pas super. Non, mais Justine, moins 17 selon mon auto, là. OK. Bon, là. Non, mais ça, c'est l'intérieur de ton auto. Non, l'extérieur. Non, OK. L'intérieur. Franchement. Mais là, on sait jamais. Ça chauffe dans son auto. Oui. Oui, mais elle aurait pu ne pas mettre le chauffage. Oui. Voilà. J'aurais pu ne pas chauffer, puis là, on serait encore chez nous. Hey, tu le cruise control? T'as fait ça? C'est ça. T'es sur le cruise control? Ah, j'ai contrôlé la cruise bien raide. Ah oui. On aime ça. Bref, Justine, t'es prête? Toujours. Oui, on se sort la tête piteux. Voici Justine Pertine. Bonjour. Allô, allô. En plus d'être le mois le plus froid, c'est le mois le plus court au février. Bon, je sais pas si c'est le plus froid, mais il fait froid en février. Hein? Ben, moi, je pense que je dirais que c'est le plus froid. Non? Mais février, c'est une autre chose aussi. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui, ils ont choisi le plus court mois. Et le plus froid mois. Je trouve pas ça bien fin. Mais non. Bon, c'est une blague qui court beaucoup auprès de la communauté noire, justement, comment on leur a attribué le pire mois ever. Ouais. Et I concur, je suis d'accord, c'est pas bien fin. Est-ce que c'est le mois aussi, genre, du, je sais pas, de quelque chose de plate, là, genre, cancer de la prostate, ou je sais pas quoi? Probablement, ouais. Non. Cancer de la prostate, vous avez comme le mois déprimant, le mois de novembre, là, tu sais. Ben, je sais pas si c'est le mois, mais en tout cas, c'est le Movember. Ouais. C'est le mois des moustaches molles. Je pense exactement ça. Et qu'il y a des gens qui devraient juste pas, tu sais, donne l'argent, fais juste toilette pas poussée. Fais juste toilette. Toilette pas poussée. Fais juste ton toilettage. C'est ça. Mais cette semaine, à ma chronique, je me suis dit que je vais showcaser un petit peu plus le Black History Month. Et on va parler biologiquement de la couleur de peau. Ah! Oh, je suis originale. Ça n'aurait pas eu d'allure de parler de personnes noires, de parler de des individus noirs en tant que phénomène biologique. Non, parce que les personnes noires sont des êtres humains comme tout le monde. Et la discrimination, dans le fond, qu'on voit encore aujourd'hui et qui semble ne pas vouloir disparaître, Moses, un petit peu comme le printemps, quand l'hiver, là, le printemps, l'hiver veut comme pas partir, eh bien, ça perdure tout ça. Mais aujourd'hui, je suis là pour démystifier, dans le fond, c'est quoi, juste sur cette base-là de la couleur de peau. La mélanine. La mélanine, et non pas la mélamine. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est pas un show sur Ikea aujourd'hui. C'est vraiment sur la base de la mélanine que va s'en suivre, va s'en découler un paquet de phénomènes discriminatoires et complètement absurdes et qu'aujourd'hui, je m'explique encore mal. Mais bon, sur la base biologique, il y a moyen de démystifier ça, puis c'est assez intéressant quand même. Fait que c'est une notion courante que ce sont les mélanines, en fait, c'est pas une mélanine, c'est les mélanines, qui sont responsables de la coloration de la peau. Aujourd'hui, on va traiter de la biologie de ceux-ci, ce qui fait qu'il y a une diversité si grande de couleurs de peau au sein des humains. Fait que chez l'être humain, la couleur de la peau, des cheveux et des yeux dépend principalement du type et de la concentration des mélanines. Donc, il existe trois types principaux de mélanine dans le corps. Il y a l'eumélanine, la phéomélanine ainsi que la neuromélanine que l'on retrouve essentiellement dans le cerveau pour cette dernière et dont on ne discutera pas aujourd'hui, même si c'est mon champ d'expertise. Ah, pour vrai? Ouais. Une autre fois, peut-être, mais non. Parce qu'on sait pas à quoi qu'elle sert. Ah, bon. On sait pas, je peux te dire comment qu'elle se fait, mais on sait pas à quoi qu'elle sert. Il y a pas de punch, ben. Mais non, puis tu sais, je veux dire, c'est pas pertinent de dire « Ah oui, tu savais-tu que si tu tranchais la tête dans cet angle, tu pourrais voir de la mélanine dans ta tête. Youpi! » C'est pas ça. Ouais. Don't do that at home, kid. Donc, le mélanine, ça, c'est un des deux, là, c'est un pigment d'apparence très sombre. Il y en a deux types de celui-ci aussi. Il y a le mélanine brune et le mélanine noire. Chez l'humain, quelqu'un qui possède un peu deux mélanines brunes sans avoir deux mélanines noires aura les cheveux blonds, comme moi. Ben, blond châtain. Moi, j'ai peut-être une petite trace de mélanine noire. Strawberry blonde. Non, strawberry blonde, on va le voir tout à l'heure, ça. Ah, oh. À l'inverse, lorsqu'on vieillit, le corps cesse de produire le mélanine brune et ceux qui expriment encore un peu de mélanine noire auront les cheveux gris. Si par contre on n'exprime ni l'un ni l'autre eumélanine, on se dit atteint de canicie, c'est-à-dire qu'on a les cheveux blancs. Fait la prochaine fois que vous voyez grand-maman, grand-papa, tu fais de la canicie. Parce que ça veut dire que ça change avec le temps. Ça change avec le temps, absolument. Il y a tout à fait perte d'expression de ces pigments-là, mais on sait pas, on n'est pas capable de l'expliquer encore. Même si c'est comme un peu, c'est héréditaire, c'est clair, parce que, mettons, on a tous un ami là, qui commence à devenir les cheveux blancs à partir de genre 25 ans, t'es comme... Ouais. Wow. On me parle souvent de mes cheveux blancs sur les côtés. Hein. Ouais, non, mais totalement blanc, là, je pense. Il y a des gens qui deviennent comme totalement canicique, je sais pas comment le dire, qui souffrent de canicie à un très jeune âge. Puis souvent, c'est héréditaire. C'est leurs parents comme ça qui eux autres aussi, deviennent les cheveux blancs très rapidement. L'autre pigment très important dans la peau et dans les cheveux est la phéomélanine. Lui, c'est un pigment clair, rouge, rose, jaune, dans ces coins-là, dans ces eaux-là, en fait, tout le reste de l'arc-en-ciel. Sauf le vert et le bleu, tu sais. Les phéomélanines sont concentrées particulièrement, attention des gros mots, là, dans les lèvres, les mamelons, le gland du pénis et le vagin. Donc, toutes les parties rouges rosées de la vie, là, en général, plein de phéomélanines, là. Et si on reprend notre personne avec les cheveux blonds de tout à l'heure, là, mettons qu'on la reprend, on la réinvite. Viens ici, reviens ici. OK, il est revenu. Puis qu'elle possède de l'eumélanine brune, qu'on disait, mais qu'elle exprime également un petit peu de phéomélanine, elle aura les cheveux roux ou deviendra raspberry blonde. Un peu un entre-deux. Fait quelqu'un qui est ben roux, il y a beaucoup de phéomélanine. Mélanine, puis quelqu'un qui est plus raspberry blonde ou comme on dit, blond roux ou plus tintin, mettons, aura plus de mélanine brune que de phéomélanine. Bref, la phéomélanine, on la retrouve aussi dans la peau, OK? C'est normal, on la retrouve pas juste au niveau des lèvres puis des autres parties du corps bizarres que j'ai nommées tout à l'heure, mais c'est d'ailleurs pourquoi les rouquins qui en expriment plus ont un teint de peau plus rosé. Ils sont tout un petit peu plus, dire en anglais, sont un peu plus flush. Gênés. Ouais, ils ont tout à l'air gênés, eux autres. Les petits maudits. Alors, c'est quoi les mélanines. Les petits bombes. C'est quoi les mélanines au fait? Il s'agit de grosses molécules produites par la plupart des, pour la plupart par les mélanocytes, c'est-à-dire les cellules qui colorent notre peau et nos cheveux. Fait que ça s'appelle des mélanocytes dans la vie. Ces cellules-là produisent à l'intérieur d'eux-mêmes, là, fait que c'est des espèces de des cellules, c'est une espèce d'une grosse sphère. Là. Puis à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont d'autres gros sacs remplis de mélanine que l'on nomme mélanosomes. C'est cute ça. Mmh. Puis les mélanines, elles, sont produites à partir de l'addition d'un paquet d'unités modifiées à partir d'acides aminés comme la tyrosine pour le mélanine, la tyrosine et la cystéine pour la phéomélanine, qu'on attache tout en grosses chaînes, en espèce de gros motons. On empaque ça dans les mélanosomes. Les mélanosomes sont dans les mélanocytes. Larve dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Laure. Et c'est comme ça qu'il y a concentration des pigments. Comme on l'entend souvent, le rôle principal de la mélanine chez l'humain est vraisemblablement la protection contre les rayons UV du soleil, entre autres. Oui. Okay? On veut protéger l'ADN des rayons du soleil parce que l'ADN, s'il n'est pas protégé, on peut développer des cancers, cancer de la peau. On veut aussi protéger le folate, qui est une des espèces de vitamine B qui est absolument essentielle, dans le fond, à la survie de l'humanité, surtout pour se reproduire. Dans le fond, les bébés ont besoin de folate au moment de l'embryogenèse et de la... le fœtus va avoir besoin de folate pour pouvoir passer au stade suivant là, de multiplication des cellules. Puis, ben c'est ça, il y a beaucoup de fausses couches qui sont dues au fait que le folate est en carence chez les femmes enceintes. Donc, c'est comme important, la mélanine, mettons, pour notre descendance. On pense aussi que les mélanines puissent isoler certains éléments dommageables lorsqu'ils sont en excès, comme les métaux lourds, par exemple. Fait que si tu manges une poignée de une poignée de mercure le matin, là, ou de plomb. Une poignée de porte. Une poignée de porte. Tu manges ça le matin avec tes fruit wheat, puis ta mélanine est censée comme un peu comme séquestrer ces métaux lourds-là. Fait que youpi, hein? Good for them. Chez l'homme, sous l'effet des UV, les cellules de la peau, c'est-à-dire les kératinocytes, vous allez devoir l'apprendre. Kératinocytes. Tout le monde ensemble? Eux autres, ils sécrètent une hormone grâce à laquelle d'une protéine appelée P53 a un rôle étroit avec la maintenance de l'ADN. Bref, les kératinocytes vont produire cette hormone-là quand il y a du soleil. L'hormone se nomme l'alpha-MSH, c'est joli. Et l'alpha-MSH va s'attacher aux les mélanocytes voisins qui, elles, vont stimuler la production de mélanine. Fait que c'est comme ça, mettons, qu'on peut dire la base biologique de la chose, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en gros, c'est ça. C'est une hormone qui se charge de transmettre le message « Hey, il fait soleil, gang, OK, on fait de la mélanine! » Fait que la mélanine... On se fait de la mélanine comme pas en lumière, là. Sors le cooking set à ma mère, tu sais. Fait que la mélanine est présente en quantité proportionnelle à l'intensité de la couleur. Plus t'es foncé, plus t'as de la mélanine. Ainsi, une personne qui a la peau noire en fabrique beaucoup plus qu'une personne à la peau blanche. Même chose avec un iris brun, hein, tu sais, dans l'œil, la partie colorée d'iris brun en contient plus que l'iris bleu. Une chevelure brune en contiendra plus qu'une chevelure blonde, etc. Et les albinos, ben, ils en ont juste pas. Too bad, so sad. Pas de mélanine, pas de chocolat. Mais encore aujourd'hui... pas de soleil. Vous allez mourir. Mais encore aujourd'hui, une question repose sur toutes les lèvres. L'être humain originel était-il noir? C'est juste un mythe, là. Adam et Ève, y avait-tu des nombris ou ils étaient noirs? Ou les deux? Hein? Eh bien, la réponse, c'est oui. Oui, à quelle question? À toutes ces questions. Non, c'est pas vrai. L'être humain originel était bel et bien noir, mais l'apparition de la couleur foncée de peau de nos ancêtres hominidés ne se serait produite que quelques 1,2 millions d'années. Qui était pas dans ma frange. Fait qu'il y a 1,2 million d'années, c'est là qu'est apparue la couleur foncée de la peau chez les hominidés. C'est en fait les hominidés, comme les chimpanzés, mettons, puis les gorilles, ces affaires-là, ont migré des forêts humides équatoriales. Ils étaient ben poilus, puis ils se sont allés vers les savanes très ensoleillées et chaudes, le berceau de l'humanité, comme c'est beau. Et dans les savanes, un mécanisme de sélection naturelle s'est enclenché pour favoriser les animaux qui étaient capables d'évacuer la chaleur à meilleur escient. Et donc, les hominidés de ces régions sont devenus de moins en moins poilus et ont acquis la capacité de suer. Parce que ceux qui n'étaient pas capables de suer puis qui étaient trop poilus, ils mouraient. Pas compliqué. Fait que ceux qui ont été capables de s'adapter ont survécu. Et donc, les poils devenus moins denses chez ces animaux-là, la peau devenait exposée aux rayons UV du soleil. Encore une fois, les individus qui génétiquement possédaient la capacité de fabriquer plus de mélanine étaient favorisés par l'évolution. Fait que les hominidés dont la peau n'était pas suffisamment foncée et qui contenaient donc moins de mélanine ne se reproduisaient pas aussi bien que leurs confrères à la peau foncée. Et donc, les rayons UV, je le disais tout à l'heure, quand ils ne sont pas interceptés par la mélanine, vont endommager le folate nécessaire à la maturation des embryons et les hominidés à la peau pâle ne pouvaient pas transmettre leur génétique peu mélanisée, faute de descendance. Ils faisaient juste pas de bébé, ils n'étaient pas capables. Par le temps que l'homme moderne, Homo sapiens, évolua, tous les humains étaient noirs. Oh, wow. Oh oui. Alors aujourd'hui, pourquoi ne sommes-nous tous pas noirs? Ouais. Ben, ça, en fait, c'est pour les raisons inverses que les hominidés sont devenus noirs. Donc, graduellement, les forces exercées par notre environnement qui forçaient nos ancêtres à avoir la peau foncée pour survivre se sont modifiées avec la migration des humains sur les divers continents. Puis là, on n'était pas dans la savane partout. Là. Viens pas me dire qu'en Suède, on était encore dans la savane. Là, t'sais. Fait que, en migrant un peu partout, avec l'arrivée disons qu'on peut dire des habitats qui protégeaient contre les rayons UV, la vestimentation, on a perdu cette espèce de pression sélective-là qui faisait en sorte que là où il y avait apparition de mutations génétiques où il y avait perte de mélanine ou perte de la densité de mélanine ou modification aussi de la mélanine, parce qu'il y a toutes sortes de mélanine. C'est pas vrai que quelqu'un qui est noir, très, très, très foncé de la 90%, mettons. Oui, ils n'ont pas exactement la même couleur de peau que quelqu'un noir en Australie. Ah. Il y a des aborigènes australiens qui sont très, très, très foncés, mais la couleur est complètement différente. Mm. Même chose en Asie, même chose en Amérique du Sud. Donc, c'est toutes des espèces de variations comme ça qui sont apparues du fait que les pressions sélectives de leur environnement ont changé avec le temps. Mais tout ça, c'est très, très, très graduel. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé au Québec, ben, palottes comme des colons, et on n'a juste plus besoin de cette mélanine-là, étant donné notre mode de vie. Donc, il n'y a pas vraiment de pression sélective à avoir... qui nécessite dans le fond de protéger notre folate, de protéger notre ADN, et donc on est capable de se reproduire même si on est blanc. C'est ça la chose. Donc oui, l'homme originel était noir. Donc tous ceux qui ont la mémoire bien courte, là, la prochaine fois que vous regardez ou que vous pensez, je parle des personnes ouvertement racistes, on va le là, dire, ouais. Pensez-y, là, je veux dire, vous venez de là. Vous étiez noir. Sur ces sages paroles et pour nous encourager un peu tous à comme chasser là, ces mauvaises vibes-là. Au lieu de chasser les personnes qui sont noires. Au lieu de chasser, hein? Oui, au lieu de faire la chasse aux sorcières, Moses, j'ai concocté pour vous une espèce de mini-playlist de trois artistes afro-américains. Ben pas tous afro-américains, là. Il y en a qui sont carrément africains là-dedans. Donc, des playlists de la musique noire. Un métissage musical. Absolument sublime. Et d'habitude, j'essaie de trouver, comme genre dans les titres de chansons, la chanson qui s'intitule « Mélanine », là. Moi, il n'y en a pas vraiment. Fait que ça doit pas être... courir les rues. Non, pas ça. Donc, j'ai juste tout simplement sélectionné des petites perles de la musique noire, en commençant tout d'abord par la fantastique Nina Simone avec la chanson « Four Women » qu'elle a elle-même composée. Vous écouterez les paroles, c'est à briser le cœur tellement que c'est beau. Alors, Justine Pertine, toujours, toujours, toujours, à chaque deux semaines avec vous. On écoute. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Sarah, my skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was rich and white, He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. C'était Dougou Badia avec Amadou et Mariam, mettant en vedette Santi Gold. Chanson plus récente par rapport aux deux premières qu'on a entendues, I'm Black and I'm Proud de James Brown, et la première For Women de Nina Simone avec sa voix en contralto absolument sublime. Comme Tracy Chapman. Comme Tracy Chapman. Ouais. You got to win. On a tous pas chanté la même chanson. Elle a deux chansons, c'est quoi? Je pensais qu'elle avait juste ça. Ben non, elle en a plusieurs. On parlait donc de la mélanine, de la coloration de la peau dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et des petits faits un peu intéressants au sujet de la mélanine. Gang, les crèmes autobronzantes, ils n'ont rien à voir avec la mélanine. Ben, en passant, c'est du crémage. Protège absolument pas du soleil. Autre chose, les taches de vieillesse, les graines de beauté, les éphélides, tout ça, c'est vraiment des zones de notre corps qui deviennent plus concentrées en mélanocytes, donc les cellules qui produisent de la mélanine. Super le fun. Fait que, mettons, comme moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines de beauté, puis mes graines de beauté sont tout pâles, sont comme quasiment roses. Hein? Ben, ils sont remplis de phéomélanine et non pas deux mélanines. Ah, c'est quand même intéressant. Et ceux qui ont, tu disais, des taches de rousseur, mettons? Une tache de rousseur, ça va être probablement de la phéomélanine, mais encore là, je suis pas certaine. Est-ce que ça va devenir plus foncé avec le temps? C'est pas ça. Possiblement. C'est vraiment, là, la peau, c'est quelque chose qui change énormément. Puis autre chose, surtout, bon, en fait, pour n'importe qui, l'épilation laser, là, c'est la mélanine présente dans les poils qui permet de réaliser cette, ben, je m'en dis, opération-là, mais opération dans le sens de procédure. Ouais. Procédure. Inquiétez-vous pas, on vous met pas sur le bistouri. Et voilà, pour la mélanine, et ce qui fait en sorte que des races entières ont été complètement mise de côté, éradiquée pour la simple raison biologique que certaines personnes ont plus de mélanine que d'autres. Complètement stupide. Et les gens vont prendre des selfies dans leur aux endroits où on commémore ces morts-là. Hein? Oui, on vient de découvrir ça. Là. C'est la nouvelle mode de prendre des selfies aux funérailles au Québec. En tout cas, je ne sais pas dans les autres... province, peut-être au Prince Edward Island, il y a eux autres qui ont un mort par année, puis ils prennent peut-être un selfie de gang ensemble, c'est toute l'île. Une patate, c'est la patate qui est décédée. Mort à coup de patate, tu sais. Ah, ben, quand tu commets un crime, ils te lancent des patates. Ben c'est ça, c'est plus des pierres, là. Là-bas c'est des patates. C'était inapproprié autant que des selfies dans une funéraille. Ah, c'est inapproprié au plus haut point. Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. Dans deux semaines, je vais revenir, puis cette fois-ci, je vais vous parler de pourquoi les cheveux frisés, etc. Donc, pourquoi les cheveux crêpés. Les cheveux, ben pas crêpés. Crêpés naturellement. Bouclés naturellement. Ouais. Bouclés. Cool. On aime ça. T'as-tu que c'est Charizard? Charizard. Mais tu sais pas ça, mais c'est ça. Ça, une Cheetos avec des yeux. Ouais. Mais une tuque de Pokémon. Quelqu'un Cheetos avec ça. Des yeux, j'aime ça. Puis des oreilles, tu sais. Ouais, exact. Bref, merci Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. Alors, deux semaines, les mardis à 7h30, en début d'émission. Ciao, Rizard. On prend une pause. Au retour, c'est Sport et Philoché qui s'en vient. Oui. Merci. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Vous écoutez Assemblage Rocky en ce mardi 7 janvier, 7 février. Pourquoi je disais encore janvier? J'ai fait la même chose hier. J'en ai aucune idée. Écoute, Mathieu, c'est le mois de l'amour. Oui. Alors, il faudrait qu'il arrive à date. On dirait que j'ai comme un blocage. C'est ça. Donc, mardi 7 février 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, absolument. Parlant de Tania Baudin, elle qui a manqué l'émission d'hier, doit se reprendre un peu, mais ça va être difficile côté vocal. Hein? Oui, on va essayer de faire des gros efforts. Oui, de notre mieux. Voici. J'ai dépassé le stade Caroline Néron. Je parle plus comme. Genre Régent Tremblay. Wow, cute! C'est Sport et Philoché. En discutant de l'équipe locale qui est le Blizzard de Trois-Rivières, l'équipe de la Ligue nord-américaine de hockey. Ça fait vraiment plusieurs fois qu'on en discute déjà. On les suit pas mal à toutes les semaines dans Sport et Flushy. Mais on sent justement que ce petit boost que ça nous prenait en fin de saison pour pouvoir atteindre les séries, c'est vraiment en train de se produire. La semaine dernière, on discutait que on était à quelques points de justement pouvoir faire les séries comparé à l'équipe de Laval. Il y a encore quelques points qui sont en train de se faire discuter et surtout disputer en match de hockey. Mais ça va quand même bien du côté du Blizzard pour le moment. Cette fin de semaine, vendredi, ça s'est joué du côté de Rivière-du-Loup et ça s'est terminé en prolongation. Et grâce à cette prolongation-là, bien, on a réussi à mettre la main sur une autre victoire du côté de Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment très bon parce que ça nous donne encore une fois quelques points pour se rapprocher des séries de fin de saison qu'on veut tant atteindre. Et on avait justement quelques doutes par rapport à l'équipe pendant vraiment longtemps, mais là, j'ai vraiment l'impression que l'équipe qui est en place, les changements qu'on a amenés à l'équipe, les organisateurs aussi autour de l'équipe veulent faire en sorte que ça va pouvoir rester. Ce qu'on espère présentement, c'est bien évidemment pouvoir faire les séries, mais surtout de pouvoir revenir l'année prochaine, parce qu'il y a eu plusieurs discussions durant la dernière saison où on se demandait justement si les investisseurs, si les gens qui étaient autour de l'équipe allaient vouloir revenir, si c'était si difficile que ça, c'était l'année, en 2016-2017. C'est une question qui est encore sur beaucoup de lèvres présentement. Si on se promène du côté, par exemple, du Colisée, si on jase avec certains partisans, si on jase aussi avec certaines personnes de l'organisation, c'est encore une question qui se fait poser beaucoup. Même du côté des joueurs, on n'a pas trop de nouvelles de ce côté-là, mais on y va vraiment pour la fin de la saison. Donc, du côté de Trois-Rivières, ça s'est bien terminé. Et c'est Jonathan Bellemare, en fait, qui a été capable de procurer la victoire, qui est quand même assez importante à l'équipe de Trois-Rivières lorsqu'on était sur la route. Donc, Jonathan Bellemare a marqué son 17e but de la saison à la 59e seconde de la période de prolongation. Donc, après ça, si on passait les 59 secondes restantes, on allait en tir de barrage, bien évidemment. Ah, c'était un décompte de 59 comme vers le zéro. Oui, exactement, vers le zéro. Donc, il restait 50... Non, t'as bien raison, à la 59e seconde, on venait de commencer un la période... Oui, exactement. T'as bien raison. Donc, on venait de commencer la période de prolongation. Ça s'est passé tout de suite en commençant. Donc, on a procuré une victoire et surtout une importante, belle victoire au Blizzard de Trois-Rivières contre le 3L de Rivière-du-Loup. Ça, c'était vendredi soir. Et les Trifluviens demeurent quand même à 5 points des Prédateurs de Laval. Donc, ça, c'est l'équipe qu'il faut réussir justement à aller rejoindre dans les points pour pouvoir... Se ramasser en séries éliminatoires. Donc, on est à une place des séries et les Prédateurs de Laval ont réussi à vaincre les Marquis de Jonquière vendredi soir. Donc, c'est pourquoi on est encore à égalité des deux côtés des équipes. Il y a Eric Martel et Kevin Gadouri qui ont procuré une avance de 2-0 aux hommes de l'entraîneur Sébastien Vouligny avec leur but qui a réussi en première moitié de période. Et le but Gadouri a été réussi en désavantage numérique tout comme celui de Simon Denis Pépin. Donc, Maxime Boisclair a redonné la avance de 2 buts au Blizzard par la suite avec un 6e but durant toute la période. Et c'est Jean-Philippe Chabot, Marc-André Tourigny qui ont marqué en seconde moitié de 3e période pour justement envoyer le match en prolongation. Donc de ce côté-là, on a quand même eu un beau match du côté de Rivière-du-Loup sur la route pour l'équipe de Trois-Rivières. On sent justement aussi que les partisans ont peut-être, en cette fin de saison qui semblait si difficile, eu un regain d'énergie à vouloir justement encourager les leurs à se rendre un petit peu plus loin pour les séries. C'est sûr que là, en étant égal encore avec les Prédateurs de Laval, ça va tout le temps se jouer match après match. Ça va devoir pas nécessairement se terminer en match entre les deux, mais c'est sûr que les points sont les mêmes. Donc, s'enfarger. Exactement, pour les nombres de victoires, c'est sûr que faut aller chercher le plus grand nombre de victoires versus ce que les Prédateurs de Laval vont être capables de faire pour pouvoir mettre la main sur la fameuse place qui va nous amener en séries éliminatoires. J'espère que le Blizzard va réussir à le faire. Par ailleurs, la Ligue nord-américaine de hockey a nommé des joueurs du mois de janvier et l'attaquant qui est le capitaine Jonathan Bellemare de Trois-Rivières a reçu le titre de joueur offensif. Il a amassé 17 points en janvier, dont 6 buts. Et le Blizzard va disputer une importante série aller-retour contre les Éperviers de Sorel-Tracy le week-end prochain. Donc, ça va commencer vendredi. Évidemment, étant le 10 février. Oui, exactement. Donc, le 10 février, ça va avoir lieu ici au Colisée de Trois-Rivières à partir de 20h. Et par la suite, les deux équipes vont se retrouver le lendemain, donc samedi, et non pas dimanche, mais bien samedi à 15h à Sorel. Et si on est capable de mettre la main sur ces deux victoires-là, bien évidemment, et que le Prédateur de Laval ont un petit peu plus de difficultés de leur côté, ça va nous donner la chance de faire des points. Et on espère pouvoir arriver à faire ça. Et on espère surtout voir des partisans du côté du Colisée de Trois-Rivières vendredi. Parce que, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on commence à revoir. C'était une saison qui était difficile. On avait perdu des partisans, on avait perdu des gens qui venaient voir les gars jouer. Mais là, justement, parce qu'on approche des séries et parce que la bataille est quand même assez serrée entre les deux clubs, mais on sent que, justement, les partisans se remettent derrière leur équipe, appuient leur équipe et supportent les gars du Blizzard de Trois-Rivières. Donc, c'est le fun à voir pour ça. Mais oui. Leur slogan du hockey intense! Oui, exactement. Oui. Hey, Simon Dany qui s'appelle, bien, pardon? Il me semble que oui. C'est quasiment aussi n'importe quoi que Yann Vincent comme nom. Ça va pas ensemble. Hein? Non, ouais, je sais. Je sais. Ouais. Oui, bon, du côté des Patriotes de l'UQTR, maintenant... elle connaît Yann Vincent. Ça, c'est juste un gag. C'est juste ce gag. Ça passe vite, ça, quand tu penses à autre chose. Oui. Du côté des Patriotes de l'UQTR, cette fin de semaine, on n'avait pas nécessairement plusieurs équipes qui étaient sur la route ou qui disputaient de plusieurs sports, mais on en avait quand même, donc il faut en discuter. Du côté du soccer, il y avait les deux équipes qui étaient du côté de Montréal. Donc, on jouait contre les Carabins de l'Université de Montréal. Ce fut deux matchs quand même assez difficiles. L'équipe féminine s'est inclinée 3-0 contre l'équipe féminine des Carabins. On le sait, par contre, les Carabins de l'Université de Montréal, du côté féminin, c'est quand même une équipe très, très forte, surtout comparée aux nouvelles joueuses qui viennent de se mettre du côté de l'équipe des Patriotes de l'UQTR. Donc, c'est sûr qu'on a réussi à mettre la main sur des nouvelles joueuses qui sont très expérimentées, qui sont très, très bonnes, mais ça prend de la communication, ça prend du jeu, ça prend du temps de terrain ensemble, ce qu'on n'a pas nécessairement encore eu pour la saison intérieure. Donc, ça se passe bien jusqu'à présent, mais on espère peut-être voir une espèce de d'engouement autour de l'équipe féminine des Patriotes du côté du soccer. Et du côté masculin, là aussi, on se rappelle, on a plusieurs joueurs qui, en dernière saison, ont quitté à la suite de la fin de leurs études. On avait perdu 12 joueurs, exactement. Sur une vingtaine approximative. Ouais. Donc, on est allé chercher 12 autres joueurs. Ce sont des nouveaux joueurs. C'est sûr, encore une fois, communication, temps de terrain ensemble, c'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant. Et c'est surtout un petit peu de l'essai-erreur quand on a des nouveaux joueurs, parce qu'on doit voir à quel point est-ce que ça va bien fonctionner à certaines positions, comment est-ce que ça va fonctionner avec certains joueurs aussi. Donc, de ce côté-là, malheureusement, on a eu une défaite de 4-2 pour les Patriotes face à l'Université de Montréal. Pas si pire quand même. Mais c'est ça, c'est pas si pire. On a réussi quand même à faire des points. Ce qu'on espère, c'est qu'au prochain match, ça va bien se passer. Et regardez le calendrier des Patriotes de l'UQTR pour avoir tous les détails. Ça devrait être le week-end prochain, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça devrait être aux alentours du 19 février pour le prochain match local qui va être disputé au Centre sportif Alphonse Desjardins. Quand que c'est ici, vu que c'est intérieur, c'est la seule surface intérieure. On y va du côté du Cap de la Madeleine et non pas du côté de l'université, par exemple. Donc, venez faire du bruit pour l'équipe de soccer. C'est une équipe qui doit être montrée, qui est très, très bonne, mais qui, malheureusement, n'est pas nécessairement autant publicisée que l'équipe de hockey des Patriotes de l'UQTR. C'est quand même bizarre, parce qu'il y a tellement une communauté qui aime le soccer à l'UQTR, surtout avec les étudiants qui proviennent de d'autres pays. Je me demande comment ça fait que c'est pas rempli complètement de monde au soccer, je comprends pas. On se demande, nous aussi. Ouais, dommage. Du côté de l'équipe d'hockey des Patriotes, ça le joue au soccer toute la fin de semaine. Vendredi, les Patriotes ont échappé le match 5-1 face à l'Université de Guelph. Ça a été un match difficile, je dois dire. J'étais présente, on était là. C'était le match qui était présenté par le Prix du Gros en l'honneur de la classique d'hiver qui avait eu lieu, qui avait été organisée par le Prix du Gros. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là, 1200 spectateurs approximativement. Donc, on se croyait quasiment au carnaval étudiant vendredi soir du côté du Colisée de Trois-Rivières. Mais malheureusement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. On jouait un petit peu comme décousu. On dirait qu'il y avait peut-être un manque de communication qui était pas nécessairement mis de l'avant entre les gars qui étaient sur la glace. On avait de la difficulté à pénétrer la zone de l'Université de Guelph. On avait vraiment de la difficulté au niveau offensif. Au niveau défensif, ça s'est mieux passé. Mais malheureusement, c'est sûr que lorsqu'on n'a pas nécessairement le club qui est tout le temps sur la glace parce qu'ils étaient aux Universiades, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme arrangement au niveau des tri. Bien évidemment, ça s'est bien passé quand même, mais vendredi soir, on l'a échappé. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On va pas se blâmer de quoi que ce soit pour ça, parce que samedi, ça jouait encore au hockey du côté du Colisée de Trois-Rivières. C'était un autre match contre une autre université. Et cette semaine, ce soir, ça va jouer à partir de 17h. 17h, oui, c'est tôt. 17h. Okay. Il faut expliquer pourquoi. En fait, c'est un match qui était censé être disputé un petit peu plus tôt durant la saison au niveau de l'Ontario, donc contre une université ontarienne. Par contre, lorsque l'équipe est arrivée là-bas, les installations n'étaient pas prêtes, la glace n'était pas prête. Ils n'ont pas pu disputer le match, donc l'entente a été que on va refaire le match. Par contre, on va le refaire à Trois-Rivières. Choisissez l'heure. Et comme c'est en Ontario, bien, on a décidé d'y aller pour 17 heures pour que l'on puisse avoir le temps de retourner sans qu'il soit trop tard. Bien évidemment, ce sont des universitaires. Ouais. Donc, et ça, c'est, travaux. Tu as dit que c'était aujourd'hui? Oui, donc, c'est aujourd'hui. Donc le 7 février. Exactement. Aujourd'hui, 7 février à 17 heures au Colisée de Trois-Rivières. Si jamais ça vous tente et si jamais vous avez le temps, c'est sûr que c'est plus tôt que les matchs habituels, mais ça devrait être un très bon match de hockey. Donc, pour samedi, on a réussi à faire un gain de 5-3 pour les Patriotes. Mimard, Lemay, Delisle et Boudreau ont été les scoreurs de ce match-là. C'est un des trios qui a fonctionné très, très bien pendant que le trio habituel n'était pas nécessairement sur la glace parce qu'il se retrouvait en... Tu vas en parler plus tard des Olympiques universitaires? Oui, c'est ça. Tu vas en parler? Oui, oui, oui. Okay, cool. Définitivement, cool. On y arrive dans quelques génial. Instants. Donc, c'est un trio qui a bien fonctionné, celui de Mimard, Lemay, Delisle et aussi Poudrier qui était un des capitaine remplaçant pendant ouais. que notre capitaine se retrouvait justement aux universiades. Donc, un très beau travail de ce côté-là. On a hâte de voir quand est-ce que les gars vont revenir justement dans l'autre bout du monde parce que malheureusement, ça s'est terminé pour l'équipe Canada ce matin. Ça jouait à 5 heures du matin wow. notre temps, mais eux, là-bas, ils étaient comme 4 heures l'après-midi. Mais eux, ils se sentaient quand même comme à 5 heures du matin. Oui, probablement. En fait, on était en demi-finale contre la Russie et on a eu notre première défaite du tournoi en demi-finale. Donc, on s'est incliné 4-1. Le seul but du match de l'équipe Canada a été scoré par Guillaume Asselin des Patriotes de l'UQTR. Le Guillaume Asselin, bien évidemment. C'est 6 gars des Patriotes de l'UQTR qui ont réussi à aller se faufiler au travers de l'équipe Canada pour les universiades. C'est super bon. 6 gars, je pense qu'on a la plus grande délégation universitaire au sein de l'équipe Canada. Donc, de ce côté-là, on devrait tout simplement, les remercier pour la belle représentation qu'on a eue là-bas parce que les gars ont super bien joué. Il y a plusieurs buts de l'équipe Canada qui ont été scorés par nos joueurs des Patriotes de l'UQTR. On s'est rendu en demi-finale, c'est sûr, c'est pas la finale, mais quand même, demi-finale, c'est excellent. Et je sens que quand les gars vont revenir ici, ils vont quand même avoir du travail parce que la saison n'est pas terminée du côté des Patriotes. Et j'ai comme l'impression que l'équipe va être contente quand même de les retrouver, de pouvoir avoir des gars qui reviennent avec des beaux souvenirs, mais aussi une expérience qui est différente. Donc, on va pouvoir peut-être amener certains sujets ou certains essais sur la glace. De la vodka. Peut-être. Peut-être de la vodka, mais quand même, ça s'est super bien passé de leur côté. C'est quoi les universiades, juste en général, là, le concept? Il y a des finales provinciales, nationales et mondiales? Ou? En fait, si j'ai bien compris, c'est une délégation de chaque université. Donc, par exemple, ici, pour l'équipe Canada au hockey, on a pris plusieurs joueurs de chaque université canadienne pour former l'équipe Canada, qui, elle, est représentée du côté des universiades. Ce sont tous les pays qui est représenté là-bas. Et par la suite, ça fonctionne en termes de tournoi. Donc, on y va en par exemple, demi-finale, finale, semi-finale, blablabla, et tout ça. Donc, on a tous les sports. D'ailleurs, on a hockey masculin, hockey féminin. C'est sûr que nous, du côté des Patriotes de l'UQTR, il n'y a pas de hockey féminine, mais quand même, on a plusieurs joueurs qui étaient là pour l'équipe masculine. Et écoute, il y a vraiment tous les sports qui sont là-bas. C'est pas terminé, ça se termine le 9 février du côté de l'autre bout du monde. Oui. Mais l'autre bout du monde, le 9 février, ça devrait être le 8 février ici. Oh boy, assurez-vous, en fait, si vous voulez voir les autres sports, assurez-vous d'aller sur le site Almaty, donc Almaty2017.com. Vous allez avoir tous les résultats, bon. Vous allez avoir aussi tous les détails par rapport au calendrier, ce qui reste à voir, ce qui reste pas nécessairement à voir. Vous allez pouvoir déterminer selon vous. Petite recette de riz Almaty. Exactement. Et Mathieu, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu le temps de faire ça, mais les Patriotes de la semaine sont Mélissa Beaulieu et Aline Caron. Donc, Mélissa Beaulieu qui est de la formation du soccer. Elle est défenseure centrale de la formation de soccer et elle a connu un excellent match dimanche dernier pendant que l'équipe affrontait les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, elle a eu la lourde tâche en fait durant le match de surveiller et de contrer les tentatives d'une excellente attaquante adverse. Comme je le disais tout à l'heure, les Carabins de l'Université de Montréal, c'est une équipe qui est très, très forte, très dominante. Donc, elle-même, elle a été très dominante dans ses duels. Elle est étudiante au baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé et elle a permis à son équipe de rester compétitive jusqu'à la toute fin. Elle s'est aussi démarquée en défense, notamment pendant l'arrivée des ballons qui étaient aériens. Malgré la défaite de 3-0, les Patriotes se sont battus et ont quand même démontré qu'elles pouvaient être très compétitives. Donc, j'ai hâte de voir justement les prochains matchs de ce côté-là. Comme je le disais, les Carabins de l'Université de Montréal, c'est une équipe qui est forte. Montréal, c'est quand même assez difficile parce qu'on a un grand bassin où on peut aller piger nos joueurs, contrairement à Trois-Rivières. Donc, de ce côté-là, nous, on a peut-être un petit peu de travail du côté d'endurance aussi, du côté de compétition et agressivité aussi. À certains moments, on dirait que c'est peut-être le côté agressif des filles qui manque, qui manque pas du tout du côté de Montréal. Mais on va voir pour les prochains matchs. Et du côté de Alan Caron, bien, c'est le défenseur de la formation de hockey qui a été un élément clé durant tout le week-end pendant que l'équipe affrontait l'Université de Guelph et l'Université de Western Ontario. On a eu un rôle plutôt effacé pour Caron, mais on a quand même joué de manière constante, précise et surtout efficace. Et c'est sa détermination, son intensité qui a fait qu'il a réussi à se faire remarquer à chacune de ses apparitions sur la patinoire. C'est pourquoi il se ramasse d'ailleurs Patriote de la semaine. Et l'étudiant au certificat en administration reste un élément qui est important de la formation pour sa capacité à effectuer les détails qui vont faire une différence à la fin d'un match. Donc, notamment par les trois aides qu'il a offert contre les Griffons et les Mustangs. C'est justement grâce à ces aides-là qu'on a réussi peut-être à faire quelques points en fin de match. Et Caron est une recrue qui s'exprime déjà comme un vétéran. Donc ça, c'est excellent. On espère pouvoir le voir ce soir sur la patinoire avec autant de force. Voilà. Voilà, cool. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. C'est pareil, Philosophie, on fait ça habituellement les lundis à son âge, mais comme Tania n'était pas là hier, on le fait aujourd'hui en ce mardi. On écoute une pièce de Ripa, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Contrairement à certains matchs de sport qui n'ont pas été vus, Ripa lui dit « Je t'ai vu, je t'aime, je t'ai vu. » À son âge, ok, « Je t'ai vu. » Assemblage requis. Au retour, les instructions d'assemblage. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est toujours Assemblage Requiem, ce mardi 7 février 2017. Elle parle moins fort que d'habitude et elle s'appelle Tania Baudin. Bonjour, bonjour, bon matin. Et lui parle de la même vocalité que d'habitude. Trop fort. Mathieu Plante. Trop vite. Oui, donc toujours à l'émission matinale en pièces détachées. Avant de continuer avec les instructions d'assemblage, c'est le moment de se renseigner sur ce qui se passe sur notre campus universitaire, je te jure. Okay. C'est l'Info Campus. Oh. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Innovation et développement économique de Trois-Rivières lance le concours Vise dans le mille. Ce concours permettra à un projet d'entreprise la possibilité de gagner une bourse de démarrage. Trois catégories sont disponibles: idée d'affaires, pré-démarrage et nouvelle entreprise. Pour plus de détails, allez sur visedanslemille.com. La période d'inscription se termine le 23 février. Notons que l'UQTR collabore au projet. Vous souhaitez faire connaître votre projet de maîtrise ou de doctorat? L'AGEUQTR organise le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. L'événement aura lieu le 26 mars prochain. Une bourse de 200 $ sera remise au projet sélectionné. Pour soumettre le vôtre, il faut envoyer un résumé de 250 mots avant le 19 février 23h59 à cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Les 22 et 23 mars prochains aura lieu le concours d'affiches scientifiques de l'UQTR. Ce concours est ouvert aux étudiants de tous les cycles. Pour vous inscrire, il faut aller au uqtr.ca/affiches au pluriel et la date limite d'inscription est le 27 février à 23h59. Le poste de la vice-présidence aux finances et développement de l'AGEUQTR est ouvert. Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae et lettre de motivation d'ici le jeudi 9 février à 17h au local 10, 22 ou 10 23 du pavillon de la vie étudiante. L'élection aura lieu le dimanche 12 février dès 17h au 2083 pavillon Ringuet. Le 23 janvier dernier, la délégation de génie industriel de l'UQTR s'est démarquée lors du congrès annuel de l'Institute of Industrial and System Engineers. Elle a remporté 3 podiums, dont une première place pour l'épreuve étude de cas. Toutes nos félicitations aux gagnants et gagnantes. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus, lu par Tania Baudin, écrit par David Ferron du journal Zone Campus. On les remercie tous les deux et on joue la capsule à 6h30, à 8h30, 9h, midi et 18h en semaine. Maintenant, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage, la chronique dans laquelle on se trouve des façons de mieux vivre. Tu sais, comme moi, mettons, mon premier conseil, ça pourrait être genre de ne pas te commander beaucoup trop de bouffe le samedi soir pour avoir des restants de poutine le lundi, puis y en manger deux fois, ça fait que t'as vraiment mal au ventre après. Ouais. C'est mon premier conseil de la semaine. Pas fou. Pas fou, hein? J'ai vraiment mal au ventre. Bref, commençons avec un premier conseil alimentaire où on nous suggère, c'est vraiment pour les gens qui sont très, très, je dirais, paresseux. T'as peut-être déjà vu sur Internet le principe de recouvrir tes assiettes d'un cellophane pour pouvoir manger dedans, tout en, après ça, en n'ayant pas à faire la vaisselle. Oui, clairement. T'as vu ça? Même chose, on peut couvrir un agrume avec un emballage plastique pour pouvoir squeezer sans faire de dégâts. Hein? Un petit peu de jus de citron ou de jus de lime, ça peut améliorer n'importe quel repas, hein? Mais ça squirt partout. Ça à table puis dans tes yeux. Alors c'est Alton Brown, un grand chef quand même très reconnu, Alton Brown, qui a ce truc vraiment intelligent pour sortir le jeu exactement comment vous le voulez avec un emballage plastique. Donc une technique simple et élégante qui pourrait pas être plus facile. Donc on couvre la moitié de votre agrume avec un enrobage plastique, un cellophane. On va faire une petite entaille sur le coin. Et on va squeezer exactement ce qu'il faut. Et à moins de squeezer complètement à sec, vous allez pouvoir remettre votre citron dans le réfrigérateur pour l'utiliser une autre fois. En plus, ça le protège. C'est bien. C'est vraiment bien. Merci, Alton Brown, sur Facebook. Si ça peut au moins empêcher les noyaux de tomber dans ce que tu veux faire. Exactement. Moi, c'est A1. Que des avantages. Ensuite, on va prendre... Tu sais, des fois, moi, en tout cas, je gaspille mon pain. Ça m'arrive souvent d'acheter un pain, manger plusieurs tranches, mettons la moitié de mon pain, et puis après ça, ben là, je sais pas, la semaine avance, tu sais, je suis bien occupé, je suis jamais chez nous, blablabla, et finalement, je perds mon pain. OK. Ça arrive. Donc, on va faire autrement, on va faire congeler un pain au complet. OK? C'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais. Donc, la meilleure rôtie peut commencer. En fait, le conseil sert pour ceux qui veulent avoir les meilleurs toasts du monde. Là. On dit que les meilleurs rôtis commencent avec le meilleur pain et du pain fait en pâtisserie ou à la main a la tendance à devenir un petit peu moisi plus rapidement que du pain pré-tranché. Ça fonctionne dans les deux cas. Donc, pour avoir les meilleurs rôtis du monde sans gaspiller de pain, on essaie de congeler donc un pain complet. Hein? C'est déjà une très bonne façon de le garder au frais. Et comme Emily Weinstein du New York Times nous le dit, une fois défrosté, vous allez pouvoir le manger. Ben évidemment, ça dit de le manger rapidement, mais on pourrait le faire congeler en plusieurs portions. Donc, on peut s'adapter, on peut quand même adapter la façon de faire. Moi, je ferais sûrement peut-être le tiers du pain ou le quart du pain dans le congélateur à la fois. Mais bon. Tranché avant de le faire congeler pour avoir le meilleur pain possible. Si vous faites votre propre pain maison, donc vous achetez votre pain préféré, vous le faites vous-même, vous le tranchez en tranches très épaisses. C'est parfait pour faire des rôtis. Vous les mettez dans des sacs de plastique et vous les en prenez une fois de temps en temps quand vous avez besoin d'une bonne tranche de pain. Ça fait de meilleurs rôtis. Voilà. Un bon conseil. Ensuite, on va faire des smoothies qui sont végétaliens. Mais plus crémeux, avec des cachous crus. Donc, du lait ou du yogourt grec, c'est une bonne façon de rendre vos smoothies un petit peu plus crémeux. Tu le sais très bien, tu t'en fais fréquemment. Donc, si vous êtes végétalien, vegan, vous avez besoin de cachous crus. Kelly Foster chez The Kitchen, sans le E, nous recommande des cachous crus parce que ça se mélange facilement sans laisser derrière une pulpe ou un truc gras là, comme d'autres sortes de noix. Donc, ça vous donne un petit kick de protéines et le contenu en gras va faire quand même que ça va donner une texture riche et crémeuse. Donc, on ajoute un quart de tasse de cachous crus pour chaque tasse de liquide que vous allez avoir dans votre smoothie. Et si vous pouvez, on devrait faire tremper les cachous crus dans l'eau pendant la nuit avant de les mélanger. Ça va s'assurer que ça va devenir aussi crémeux que possible. Voilà, donc des cachous crus. Ensuite, est-ce que t'es en retard des fois à des trucs? Tu veux dire si j'ai un rendez-vous, par exemple? Oui, ça m'arrive quand même assez... Ben, je veux pas dire souvent, mais c'est des choses qui peuvent m'arriver. T'es plus genre à l'heure, à peine en retard, genre fashionably late. Je suis déjà à vouloir arriver en avance pour pas arriver en retard. Je suis pareil. Donc, arrêtez d'être chroniquement en retard, si c'est votre cas, en changeant votre façon de penser. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens sont en retard, mais une des plus importantes est votre désir de toujours être productif ou encore occupé. Donc, vous avez besoin de trouver une façon d'être correct avec le fait de rien faire. C'est Georgia Francis King chez Quartz qui dit qu'elle est constamment en retard, mais qu'elle fait un effort avec la nouvelle année qui commence, donc sa nouvelle approche, et de commencer à être confortable avec l'idée de rien faire. Donc, elle va apprendre à être seule pendant 10 minutes, même ça veut dire de peut-être prendre un bain, peu importe, ou de juste niaiser sur Internet, peu importe. Et quand t'es pas tout le temps en train de faire quelque chose, ben, tu vas pas accumuler du retard parce qu'il faut que tu finisses le projet que t'as à faire avant. Donc, chaque minute de la journée n'a pas à être à l'horaire pour être au maximum de ton efficacité. T'as pas besoin de faire ça. Donc, partir plus tôt n'est peut-être pas la meilleure utilisation de ton temps, particulièrement si t'as l'impression que t'as un million de choses à faire, mais... Justement, en ayant peut-être moins booké ta journée, tu vas peut-être pouvoir arriver exactement dans les temps. Donc, sois confortable à attendre un peu. Moi, j'aime bien le matin. Avant, je me levais à peut-être des fois, pour vrai, il y a deux ans, hein, ça allait moins bien dans ma vie. Je me levais à genre 6h30, 6h35. Il fallait que je parte à 7h. T'sais. Genre, j'étais super pressé le matin. Je faisais tout. Là, maintenant, je me lève à 6h. Je prends le temps de prendre ma douche. J'ai comme 10 minutes de lousse à la fin de mon matin où je peux m'asseoir sur le lit, niaiser sur Internet, sur mon téléphone, avant de partir exactement à 7h. Exact. C'est pas mal plus fun que de courir. C'est une des raisons pourquoi je me lève si tôt. Voilà. C'est plat de se lever tôt. C'est que j'aille ça être pressé puis de me sentir pressé. Et voilà. J'aime pas cette discussion. On se comprend. Excellent conseil. Ensuite, une feuille de calcul qui calcule quand vous allez avoir terminé de payer votre dette avec la méthode boule de neige. Oui, je sais. Hashtag jamais. Hashtag never in my lifetime. Mais on a parlé avec toi dans une chronique précédente de Tony Ashgood Entertainer de la technique boule de neige. Oui. Donc, d'accumuler de l'argent de plus en plus rapidement et de payer tes petites dettes en premier ou les dettes. Dans le fond, tu élimines le plus de dettes possible pour avoir, pour te donner plus d'envie de continuer. Ça te motive plus. Donc, c'est la méthode boule de neige. Si vous êtes sceptique, il y a une feuille de calcul qui est disponible et qui va vous calculer pour vous combien de temps ça va prendre pour vous débarrasser de vos dettes. Donc, la méthode boule de neige, on commence en focusant sur la plus petite dette que vous avez et vous y allez avec les plus de plus en plus grandes. Et s'il y en a plusieurs qui sont égales, vous y allez avec les plus gros taux d'intérêt payés sur votre dette. Bref, ça vient du site de finances personnelles Life and My Finances qui vous permet d'ajouter toutes vos dettes à la même feuille de calcul et ça vous montre comment vous devriez payer de plus envers votre dette chaque mois et votre paiement initial pour vraiment partir la chose, pour que vous ayez l'impression que ça va plus vite. Donc, un gros cash down, là. Un capital. C'est ça, un remboursement de capital, je pense qu'on appelle. Bref, c'est super personnalisable et ça vous permet de savoir, donc, de mettre vos paiements minimum dus, votre taux d'intérêt, votre balance totale. Et si vous voulez changer votre paiement par mois, vous pouvez changer une seule cellule et ça va automatiquement tout changer dans la feuille de calcul pour vous. C'est super bien fait. Donc, allez voir ça. How the debt snowball really works. C'est sur Life and My Finances. Moi, j'adore cette technique-là. J'utilise et je l'aime. C'est une bonne idée. Ouais. Ensuite, quelque chose de complètement stupide, mais qui pourrait vous être utile si vous avez un vieux portable qui chauffe. OK. Je pense que tu as déjà eu ça par le passé. Je pense, oui, en fait, que tu t'en sers encore parce que tu as deux portables sur ton bureau en ce moment. Un qui est ton courriel parce que tu n'as pas trouvé le mot de passe. Exactement. Pour le sortir, et ton nouvel ordinateur. C'est bien ça. Ça fait un mois qu'il est sur deux ordinateurs sur son bureau. C'est incroyable. Ouais. Bref. Tranche de vie. Si jamais ton ordinateur chauffe, tu peux te faire un stand, un petit truc pour surélever ton, ton ordinateur avec des fourchettes. Ah. Ça a l'air complètement stupide, oui, je le sais. Donc, si tu veux élever ton ordinateur un petit peu, prends-toi deux fourchettes. C'est une vidéo de Mad Science Hacks qui nous montre comment faire. On met deux fourchettes avec les pointes vers le bas et on s'assure que la distance est environ de la largeur de votre laptop. Donc, on met les deux fourchettes sur la table à environ la bonne distance de votre laptop et vous mettez votre ordinateur dessus et voilà, c'est tout. Ça fonctionne. C'est pas super élégant, mais si vous avez besoin de refroidir votre ordinateur... Mais ça glisse pas? Non, apparemment que non. À cause de la pente, j'imagine, et les caoutchoucs qui sont en dessous de ton ordinateur. Il y a des petites pattes de caoutchouc, ouais, qui viennent se reposer, j'imagine, sur les fourchettes. Voilà. Ensuite, on évite les sujets de conversation qui vont vous donner de l'anxiété avant d'aller se coucher. Évidemment, ça, c'est quand on couche à plusieurs. Oui. Donc, avant de monter au lit avec votre partenaire ou de dire bonne nuit à votre coloc ou peu importe, souvent, on va se coucher fâché ou on va partager un sujet qui va vous amener de l'anxiété. On devrait, à la place, changer de sujet. C'est le site de conseil de Muse qui nous dit que certains sujets ont la tendance à vraiment vous mettre vous faire bouillir les oreilles, je pense. Donc, si vous êtes d'accord avec le sujet, avec votre partenaire, vous allez quand même avoir à parler de choses négatives et c'est pas bon. Donc, on suggère de soudainement changer de sujet. On va faire un effort pour éviter le sujet. OK. On va parler d'autres choses, on va faire exprès avant d'aller se coucher et on recommencera la conversation une autre fois. Mais c'est pas comme fuir ses problèmes. C'est fuir ses problèmes au moment où c'est mal d'avoir ces problèmes-là parce que tu vas mal dormir et causer comme du ça. Stress le soir. Faites ça, les chicanes au bon moment. C'est ça? Chicanez-vous juste pas. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi? C'est dans quel sitcom qu'on mettait sur pause les chicanes dans How I Met Your Mother? C'est Marshall et Lily qui font ça. Ils font pause sur leur sujet. Ils passent à autre chose. Tout va bien. Puis après ça, dans Random aussi, ils faisaient des apartés. Oui, tout à fait. Sauf que ça, les autres les entendaient pas. C'est ça. C'est ça la différence. Bref, dire vos émotions, dire comment vous vous sentez, c'est important. Mais si vous avez besoin de bien dormir, faites ça à un autre moment. Ensuite, ça c'est vraiment, vraiment cool. Je cherche ça depuis très longtemps sur Amazon. Quand je magasine sur Amazon, ce qui est pas mal à tous les jours, mon panier est plein et c'est rare que je clique sur acheter. Hein? Mais c'est pas grave. Donc, je me suis toujours demandé comment ça fait que je pouvais pas classer les affaires par vraies critiques. Tu sais, mettons, quand tu cliques sur le nombre de. Les cotes données par les gens, oui, tu peux classer par ordre de prix. C'est vrai. Bon, ou par ordre d'étoiles. Là, t'arrives avec 5 étoiles, mais juste une personne qui l'a coté. Et l'autre est à 4 étoiles, mais il y a comme 1 million de 4 étoiles. C'est un petit peu... C'est pas la même chose. Moi, je préférerais avoir plus de critiques que moins de critiques avec une meilleure note, tu comprends? Non, c'est une extension pour Chrome, Google Chrome, qui rajoute le nombre de critiques comme façon de classer sur Amazon. C'est vraiment super bien fait. Amazon Sort, donc une extension Chrome, qui ajoute une nouvelle entrée dans le petit menu qui s'appelle Number of Reviews. Donc, vous allez classer ça par le nombre de critiques. C'est très bien fait. Ça classe tout. Super utile pour acheter quelque chose. Ensuite, on nous suggère de focusser sur le futur lorsqu'on se présente à de nouvelles personnes. C'est-à-dire? Ouais. Lorsque quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, c'est facile de répondre sur ce sur quoi tu travailles présentement ou ce que tu as fait dans le passé. Je suis pauvre et je paye mes dettes. C'est un petit peu plate comme présentation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, on devrait focusser sur le futur pour rendre votre pitch un petit peu plus, divertissant, un petit peu plus. Ils vont avoir l'impression d'être plus proches de vous. Okay. Donc, en focusant sur vos buts du futur, vous allez donner aux gens qui vous écoutent quelque chose sur quoi s'accrocher et pouvoir participer à une nouvelle conversation. Ils vont pouvoir vous offrir des conseils, des connexions, peut-être qu'ils connaissent des gens, ils vont pouvoir vous encourager aussi. Donc, ça leur donne un crochet, comme on l'appelle, pour la prochaine fois qu'ils vont vous parler, ils vont pouvoir vous demander « Hey, puis ton but, est-ce qu'il a avancé? » Ce qui va te donner une motivation de faire avancer ton but pour pouvoir un jour croiser ces personnes-là et là avoir quelque chose à leur dire. Un peu comme quand tu vas à une réunion d'école secondaire 10 ans plus tard, tu peux, tu sais, si t'as quelque chose à accomplir, pour leur dire. Non, moi, je n'irai pas. Moi non plus, non. Donc voilà, c'est une motivation. Peut-être que les questions... si vous voulez encourager la conversation, vous pourriez ajouter une question à la fin de vos buts du futur. Vous pourriez dire « Et vous, sur quoi est-ce que vous travaillez ?» ou « Quels sont vos plans pour l'année à venir ?» Et si l'autre personne a de l'expertise dans ce domaine-là, vous pouvez leur demander des conseils ou des recommandations de ressources. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, quand le travail te déprime, hein, tu devrais attribuer ça au fait que tu es passionné pour ton emploi. Comme ça, tu vas pouvoir rebondir un petit peu plus rapidement vers la bonne humeur. Hein? Donc, si tu es en train de capoter un petit peu au travail, que votre patron vous dérange, il n'y a rien qui a l'air de fonctionner, la clé est de discuter de ça et de voir ça comme une passion pour votre travail et non pas comme une émotion négative. Donc, tu vas revenir à la bonne humeur plus rapidement et tes collègues de travail vont mieux te comprendre. Donc, évidemment, ça s'applique pas seulement au bureau, ça peut être dans d'autres domaines aussi. Mais c'est The Science of Us qui nous explique comment ça fonctionne aussi bien. C'est publié par The Harvard Business School, qui nous dit que plus vos collègues de travail comprennent et vous soutiennent si vous expliquez les raisons pour lesquelles vous êtes malheureux, c'est parce que, dans le fond, si vous dites que vous êtes passionné par votre travail et non pas que vous êtes triste, ça va avoir un meilleur impact chez ces gens-là et ils vont vous encourager. J'avais une connaissance qui disait ça de ses relations aussi. Tu sais, ouais. Que si mettons, il y avait des bugs, des problèmes. Oui, des ouais. problèmes. Il disait que c'était parce qu'il était passionné et non pas que c'était parce que c'était méchant ou peu importe. C'est parce que lui, dans la vie, voulait que ça fonctionne, peu importe ce qu'il faisait. Une bonne façon de voir les choses, pas ça fou, change ouais. la perspective pas mal. Ensuite, trois façons de rafraîchir une pièce en tassant le lit. Est-ce que t'as déjà eu ce petit kick-là des fois dans la vie de changer les meubles de place juste pour varier un peu? Tu comprends pas. Jusqu'à l'âge de... en fait, jusqu'à temps que je déménage à Montréal, c'est-à-dire 18 ans approximativement, je fais changer ma chambre de bord minimum 4 fois par année. Ah ouais, à chaque saison? Ouais. OK. C'est quelque chose que je faisais tout le temps. Est-ce que tu avais un bord préféré que tu priorisais comme genre faire face au nord, je sais pas trop quoi? Ou... C'est parce que ma chambre changeait de pièce dans la maison bien souvent. Ah, OK, OK. Puis j'y allais selon la fenêtre. Ouais. La plupart du temps. Puis à un certain moment, lorsqu'on a déménagé ma chambre, qui est devenue dans une chambre où il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'éclairage, là, j'essaie d'y aller selon la moitié de la pièce, ouais, mettons, ouais. où j'allais positionner mes choses. Parce que si c'est carré, c'est une chose, mais si la pièce est plus verticale, c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui me manque quand même, de pouvoir bouger. Mais ta chambre est de la grandeur où le lit fit juste dans un sens. C'est pas mal ça? Non, je pourrais... Ben, c'est parce que maintenant, oui, parce que j'y ai ajouté tellement de meubles, mais avant, j'aurais pu leur changer de bord sans problème. Mais là, de la façon que j'ai décoré, ça serait bizarre ouais. un peu. Ça fait du bien. Aussi, juste changer les couleurs des murs, je trouve que ça fait du bien aussi. Oui. Bref. C'est ça. Donc, il y a plusieurs façons d'améliorer votre chambre sans dépenser d'argent du tout. Donc, trois façons faciles de mettre à jour votre chambre en bougeant votre lit, on dit de le repousser du mur pour pas qu'il touche au mur. Si votre... Ça va faire moins de bruit aussi. Si votre lit est donc dans un coin, vous pourriez le mettre à 6 pouces environ du mur. Oui. Et ça va être plus facile de faire le lit. Ah, ben oui, pour cette raison. Moi, je le centre dans la pièce. Comme ça, je peux marcher de tous les côtés pour aller faire le lit. Je trouve ça vraiment pratique. Ouais, moi aussi, c'est ça que je vais faire. Je vais le centrer selon le mur ouais. où je suis. Ensuite, justement, c'est le deuxième a un lien avec ça, de le décentrer. Bon, ça va bien. Ouais. Pour faire un petit espace de lecture, je ne sais pas trop quoi, vous pourriez mettre votre lit plus proche du mur pour pouvoir ajouter une table plus grande. Ah, il y en a qui font un espèce de sofa aussi parfois. Oui, ça pourrait être ça. Donc, ça va avoir l'impression d'avoir comme plus de place. Ensuite, on dit de le faire flotter comme dans le surélevé. Si vous vivez dans un 1,5, vous pourriez le faire flotter pour qu'il ne touche à aucun mur et pouvoir mettre des choses autour. Moi, j'ajouterais aussi, tant qu'à faire, l'idée d'avoir une plateforme surélevée pour votre lit. Ça pourrait être une bonne chose aussi. Pas juste avoir une grande base, avoir une place surélevée. Vous pourriez avoir des tiroirs et peut-être des escaliers pour monter, mais là, ça commence à faire un petit peu de construction. Mais ce serait une belle chose qu'on voit souvent sur Internet, les gens qui surélèvent leur lit, ou encore qui vont même faire un lit style lit à deux étages, mais qu'en dessous, il n'y a pas de lit. C'est vraiment comme un espace divan, télé. Mm-hmm. Donc, dans un petit appartement, ça pourrait être vraiment bien. Voilà. Et aussi, l'article termine en disant « Ne jamais sous-estimer le pouvoir, la puissance de couverture nouvellement lavée. » Donc, il y a plusieurs kits de draps. Combien de kits de draps que t'as, Mathieu? Un seul et je le dois laver à toutes les deux pour semaines. Vrai? C'est vraiment pas le fun. Ah non. J'aime pas ça. Je dois en avoir 5. Ah, mais pour vrai, parce que je pense m'acheter une laveuse, mais je pense ne pas m'acheter de sécheuse. À la place, je pourrais m'acheter comme 3 sets de draps. OK. Rotation, puis faire le séchage à la buanderie une fois par mois. Ben oui, tu peux faire ça. Une fois par 2 mois. certainement. Pas pire, hein? Juste des petits conseils qu'on rajoute de même, c'est gratis. C'est gratis. Ensuite, ça, c'est un... je sais pas si c'est un conseil à vous faire, mais c'est une femme qui a changé son distributeur d'eau dans son réfrigérateur par un distributeur de vin. Ah, ma cousine avait fait ça en vacances avec de la sangria. Sangria! Donc, c'est une blogueuse britannique, Claire Potts. Hein? C'est merveilleux, c'est une idée tellement... Très bonne idée. Donc, après avoir acheté la maison avec, une maison avec son copain, elle a acheté un frigo, donc comme les adultes responsables font, sauf qu'à la place de mettre de l'eau dans son cooler, c'était plate, elle a décidé de remplir ça de vin, et elle a mis ça sur Twitter, ça a été repartagé comme des centaines de milliers de fois. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire, rien de plus à rajouter. Non. Du vin. Sinon, il y a aussi le distributeur vertical mm-hmm. pour l'eau, que tu peux aussi remplir ta cruche de vin, puis passer dans le... C'est merveilleux. Mais je sais pas si, si ça mérite du nettoyage. Exemple, ça bon. Je sais pas. Il doit goûter fade, maintenant. Ben, il me semble. Surtout... Alors, je sais pas. Moi, j'aime bien ça froid, du vin. Donc, ça, c'est réfrigéré, ces petits trucs-là. C'est sûr que, tu sais, si tu dis deux jours, je le bois en deux jours. Tu sais, tu mets ouais. juste comme, mettons, une bouteille. Plus dans le réfrigérateur, mettons, ouais. que le distributeur avec une grosse Exactement. Cruche. Exactement. Ouais, je serais plus difficile réfrigérateur que cruche. Aussi, aussi. Ensuite, comment empêcher la statique cet hiver? Ah, mon Dieu! Un petit truc à la Madame Chastache, là, j'ai juste d'en faire le moins possible. Mais quand, parce que moi, pour vrai, mes couvertures sont en microfibre okay. de mon lit. Okay? Je déteste les microfibres. J'avais un divan microfibre avant. La statique pourrait tout le temps faire s'acheter du push-push pour enlever la statique. Maintenant, ça fait la même chose dans mes draps. Quand je suis couché dedans, ça fait pas de statique. Mais quand je les enlève pour aller faire le lavage ou que je les mets, les chocs sont partout. Ça poigne. C'est pas le fun. Bref, si vous voulez laisser votre statique derrière, il faut comprendre la science qui dit pourquoi ça existe, et le Time Magazine nous en parle. On nous dit que le coupable, en fait, c'est l'excès de charge électrique négative ou positive. Bon, mm-hmm. on va sauter par-dessus tous ces paragraphes-là, hein? Parce que, pour vrai, on veut juste la réponse à la question. On a besoin, donc, de changer la physique atomique. On dit que selon le météorologue de Minneapolis à la station WCCO, Chris Schaefer, l'air froid veut dire de l'air sec. On sait tous, faut humidifier votre appartement. Présentement, il fait comme dans le coin, je me suis acheté un... Comment on appelle ça? Un agromètre, le truc qui dit l'humidité? Hygromètre, okay. en tout cas. Je suis présentement à 25. Il faut être entre 40 et 60. OK. T'sais? Puis l'été, je dois être dans les 90, quelque chose. Je sais pas, c'est super humide. Il faut tout le temps humidifier l'hiver et déshumidifier l'été. Voilà. Bref, l'été, les molécules d'eau dans l'air attirent un surplus de protons ou d'électrons autour de vous. Donc, sur vos vêtements, vos cheveux, ça va rester... bon, là, attends un peu, c'est encore des détails. OK, je lis le conseil. Il y a des façons de rendre ça moins stressant. Trop de paragraphes pour rien. Oui. Lorsque vous habillez le matin, vous devriez avoir une bouteille de spray remplie d'eau et d'une cuillerée à table d'assouplisseur textile. OK, dans ton eau. Dans ton eau. Un petit spritz ou deux devrait être assez pour calmer les tissus lorsque l'air est sec. OK. Hein? Pour vos cheveux, ça va oui. fonctionner avec le même effet. Hein? Et on nous dit de ne jamais sous-estimer la puissance. Comme on a dit tantôt, on disait des draps propres. Ici, on dit de feuilles de bounce. Ouais. Dans la sécheuse, l'hiver surtout. Hein? Donc, les matériaux vont charger positivement, vont combattre les charges négatives qui sont, j'imagine, mentionnées dans les autres paragraphes que j'ai pas lu parce que ça m'intéresse pas tant. Moi, je connais des filles qui s'achètent du Bounce. Bounce? Pas pour le mettre dans la sécheuse, pour se passer le Bounce sur les cheveux pour pas avoir de statique. OK, ben à la place de faire ça, un petit spritz d'eau avec une cuillerée à table d'assouplisseur à tissu. C'est cool, ça? C'est très cool. On aime ça? Ouais, c'est à peu près ça. Et tu l'as dit, en effet, la feuille de Bounce, oui, dans les cheveux, c'est mentionné dans l'article. Donc, c'est vrai. Ensuite, on a un site web qui s'appelle deceatme.me qui va trouver et vous aider à effacer les comptes pour lesquels vous êtes inscrit. Mais tu sais, des fois, on s'inscrit pour des choses qu'on veut pas vraiment garder. Ouais. Ouais. Donc, c'est sur Gmail. Vous êtes inscrit pour un paquet de services en ligne. Il faut ajouter notre adresse courriel et là, on reçoit plein de cossins. C'est pas le fun. Donc, deceatme.me va rechercher dans vos courriels pour trouver tout ce pourquoi vous êtes inscrit et va vous offrir d'effacer votre compte. Hein? Donc, évidemment, c'est toujours épeurant de donner notre adresse courriel à une compagnie externe pour faire ce genre de choses-là parce qu'il faut, il faut que ça passe par votre compte de courriel. C'est pour ça que deceatme utilise Google OAuth pour vous inscrire sur Gmail et c'est complètement sécuritaire sur votre ordinateur. Les données ne sont pas envoyées vers le nuage selon les développeurs. Donc, vous inscrivez, vous connectez avec votre compte Google et vous donnez à deceatme quelques minutes pour vous montrer une liste de tous les comptes pour lesquels vous êtes inscrit avec la même adresse courriel. Vous allez pouvoir classer la liste en deux portions. Donc, vous allez cliquer sur « Ajouter à votre liste pour effacer » ou encore « Garder » pour garder les trucs que vous voulez, bien sûr, et effacer la queue ensuite. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire. deceatme. Ça fonctionne beaucoup mieux que de façon manuelle. Ensuite, ceux qui cherchent sur iOS une application pour enregistrer la voix. Des fois, l'application pour enregistrer des sons n'est pas super bien faite sur iPhone, je trouve. Non, c'est vrai. Il y a juste l'affaire mémo, là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve pas ça pratique. C'est pas le meilleur. Pas très bien fait. Donc, je sais pas. Il y a plusieurs autres applications qui sont disponibles sur l'App Store. À part pour mémo, donc il y a Just Press Record qui est la plus recommandée. Ça coûte 5$ si vous enregistrez beaucoup de cours, par exemple. Ça pourrait valoir la peine. Tu peux enregistrer avec un seul clic dans le Notification Center, si tu veux, ou sur ton écran d'accueil. Donc, c'est un raccourci vers l'enregistrement sans avoir à ouvrir l'application, faire un nouveau fichier et cliquer dessus. Ça se backup sur iCloud, comme votre mémo habituel. Vous pouvez partager vos notes avec d'autres applications. Vous pouvez retranscrire par texte dans plusieurs langues, dont le français. Donc, vous allez pouvoir prendre votre mémo enregistré et le traduire en langue. OK. Comme en texte. Les notes sont cherchables. Comparé à mémo, tu peux pas chercher non plus parce qu'encore une fois, il y a la transcription, donc tu peux chercher dedans. Il y a une application Mac qui coûte aussi 5$ pour pouvoir synchroniser vos enregistrements sur les deux. Vous pouvez enregistrer de façon illimitée, tant que vous avez de l'espace disque, évidemment, sur votre téléphone. Et vous pouvez enregistrer en background, ce qui est, je pense, la meilleure option sur iOS dans l'application mémo quand t'enregistres. Je crois... Attends un peu. Est-ce que tu peux... C'est ça, je pense que tu peux aller faire d'autres choses. Je suis pas sûr, on va aller voir. Je suis pas sûr que tu peux enregistrer. Non. Sur les autres, parce que ça me dit que c'est un des avantages de cette application-là. Ben, mémo, tu peux l'enregistrer. Tu peux enregistrer ailleurs, hein, dans iOS. Dis ailleurs, je suis pas certaine. On va essayer. J'enregistre en ce moment. OK. Et je le ferme. Et l'enregistrement continue. Fait que je vois pas pourquoi il mentionne ça comme avantage principal. C'est pas grave. Bref, ça s'appelle... Just Press Record. Et c'est sur assemblagerequis.com que vous allez trouver le lien. Ça coûte 5$. Ensuite, une autre application, cette fois-ci pour Android. Oui, j'inclus les gens qui ont Android. Je suis de même. Hein? Ouais. Donc, c'est Posture qui vous envoie un rappel pour réparer, pour arranger votre posture quand vous utilisez votre téléphone cellulaire. T'sais, on a tous une mauvaise posture une fois de temps en temps. Oui. Surtout quand on regarde son téléphone cellulaire, ça fait du mal à votre colonne vertébrale. Quand j'anime. Oui, exactement. Oui. Il y en a qui animent debout, c'est pour ça, je pense. Oui. Donc, Posture pendant qu'elle s'étire, qui vous envoie un petit rappel de tenir votre téléphone bien droit et de relâcher le stress dans votre cou. Donc, la philosophie de Posture, c'est de savoir, d'être au courant de comment tu tiens ton téléphone. À tes épaules et ton cou. Donc, ça fonctionne de façon à ce que tu doives tenir ton téléphone au niveau des yeux. Ce qui va faire mal au bras, j'imagine. Mais ben non, pas si peu. On peut mettre un intervalle aussi pour que l'application vous envoie un rappel. Ça apparaît comme icône qui flotte un peu comme Messenger sur Android. Et ça vous fait penser à votre posture quand vous voyez l'icône. Et on peut aussi personnaliser donc l'apparence du rappel et où il va apparaître à l'écran. Ça s'appelle Posture. C'est sur le Google Play Store pour ceux qui ont Android. Ensuite, est-ce que tu as déjà, tu sais, quand tu remplis des formulaires, tu vois des fois le champ deuxième prénom ou middle name. On nous suggère, étant donné qu'on n'a pas de middle name souvent au Québec, mais on nous suggère, même pour ceux qui en ont un, d'utiliser le champ middle name pour savoir quel site web vend tes informations. Oh, OK. Tu sais, tes données personnelles sont très ont beaucoup de valeur pour les compagnies. Ils vendent tes infos d'une place à l'autre. Oui. Tu vas recevoir des catalogues ça ou des trucs dans le courrier parce que tu t'es abonné à quelque chose. Bref, utilisez le champ middle name pour savoir quelle compagnie a vendu vos informations. Les outils comme stopdatamining.me peuvent aussi vous aider à trouver ces compagnies-là. Mais si vous voulez savoir qui vend vos données, il y a quelqu'un sur Reddit qui a suggéré, lorsqu'on s'inscrit en ligne, de mettre le nom en tant que tel du site web. Dans le champ middle name, donc vous inscrivez pour Amazon, vous écrivez Amazon dans le champ middle name, et comme ça, lorsque vous allez recevoir des spams de publicité, vous allez savoir qui a vendu vos infos. C'est pas super simple, mais c'est pas super compliqué, et ça empêche pas évidemment vos infos de se faire vendre, mais ça vous dit quel site est coupable de ça. Ensuite, on nous suggère de chercher nos messages dans Gmail par date avec une heure spécifique. Quand tu cherches un message, mais que t'es pas sûr du mot-clé, t'es pas sûr qu'est-ce que tu devrais chercher, mettons justement Amazon, tu veux savoir, bon, je me rappelle que le courriel datait de mardi passé, entre telle heure et telle heure, bon. Donc, quand vous cherchez un courriel spécifique, il y a des paramètres de recherche qui sont possibles d'utiliser. C'est Digital Inspiration qui nous montre ça, avec un truc de recherche qui n'est pas documenté, c'est pas dans les lides de Gmail. Donc, une recherche basée sur le temps pour être très, très utile. Pour commencer, il faut convertir votre temps en temps époque, qu'on appelle EPOCH. Il y a un convertisseur sur Internet, sur ctrlq.org/époque. Et ensuite, on va utiliser les paramètres avant et après dans Gmail pour chercher un peu comme dans la capture d'écran sur assemblagerequis.com. Par exemple, ça pourrait être after 2.1481594880, etc. Et before, dans le fond, le temps que tu vas avoir converti sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme ça, ça va trouver les courriels qui ont été envoyés ou reçus exactement dans cette case horaire-là. Ça pourrait être vraiment bon, mardi après-midi entre 16h et 20h. Je me rappelle que c'est là que j'ai envoyé ce courriel-là. Et bingo, c'est fait. C'est plus facile que d'aller dans tous les courriels puis scroller jusqu'à temps que tu trouves la bonne date qui était genre il y a quelques semaines. Mm-hmm. Donc voilà, c'est sur assemblagerequis.com qu'on trouve l'article. Ensuite, un calendrier parfait pour 2017 pour le système de productivité qu'on appelle Don't Break the Chain. Est-ce que ça te dit quelque chose, Don't Break the Chain? Non. C'est l'idée d'avoir une mission à accomplir dans la vie, mais de ne jamais briser la chaîne comme dans accomplir ce que tu as à faire à littéralement chaque jour sans avoir un jour où tu l'as pas fait. Tu comprends? Mm-hmm. Ça te motive de ne pas briser la chaîne parce que tu peux pas le faire. Si tu le fais pas, tu vas briser ta chaîne. Tu comprends? Donc, avec ce calendrier-là, c'est une bonne façon de le faire pour suivre ce système de productivité-là. Ça s'appelle... c'est le site Just Use a Pen qui utilise donc un calendrier personnalisé pour améliorer sa technique de Don't Break the Chain. Donc, c'est un grand calendrier pour l'année au complet. OK? Et bon, tu dois t'inscrire à une newsletter pour pouvoir y avoir accès, là, mais peu importe. Chaque journée a des boîtes où tu peux, évidemment, faire un gros X dessus pour marquer le fait que tu as réussi à accomplir ta mission. Par exemple, je sais pas, ça pourrait être, bon, aujourd'hui, je sais pas, je me suis entraîné. Tu pourrais dire, bon, je me suis entraîné au moins 5 minutes par jour, c'est ton but, mettons. Bon, tu vas faire un X. Et évidemment, tu dois toujours faire un X parce que si tu fais pas de X, tu as brisé la chaîne. Donc, tu imprimes le calendrier, tu le mets sur ton mur et tu commences à faire des X sur tout. Et ça va te construire de bonnes habitudes. Ça bat aussi la procrastination, nous dit-on. Donc, allez voir. Et il y a aussi une version de 4 semaines pour ce calendrier Don't Break the Chain si vous voulez pas avoir de petites cases sur une année au complet. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Et pour terminer ce bloc, on utilise la méthode du 5-3-1 pour choisir des plans pour aller souper avec votre partenaire sans faire de chichi. Tu sais, des fois, quand t'es en couple, bon, il y en a qui veut manger de la pizza, l'autre veut de l'asiatique, puis là, ben, il faut se battre, puis c'est tout le temps la fille qui gagne, évidemment. Donc, n'importe quoi, ça. C'est une blague. C'est tellement pas vrai, en plus. Ça dépend de la fille. Donc, pour éviter la conversation de, bon, ben, qu'est-ce que tu veux manger, toi? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu goûtes dans ta bouche? C'est un utilisateur sur Reddit qui s'appelle MikeCheck12 qui nous explique la méthode du 5-3-1. C'est un processus en 3 étapes qui fonctionne comme ceci. Numéro 1, on suggère 5 emplois ou 5 endroits où manger, hein, ou des repas à faire, évidemment, à la maison. Numéro 2, votre partenaire en choisit 3 dans cette liste-là qui le rendrait heureux. Et tu en choisis une dans cette liste de 3. Donc, on comprend? Donc, on se suggère ensemble 5 à faire. Ouais. Il y en a un des deux, évidemment, on bascule, une fois c'est là, une fois c'est là, qui en choisit 3 parmi les 5, et l'autre personne en choisit 1 parmi les 3. OK. Quand même, maintenant, vous avez un plan. Ouais, quand même. Pas fou. Pas fou comme idée. Donc, ça skip complètement la paralysie qu'on a des fois en ayant... La paralysie. Oui. Ouais. Donc, moi, je me rappelle de conversations où on se tarlait pendant genre une heure et demie à décider en couple qu'est-ce qu'on allait manger. Plus de ça, plus jamais. Voilà, on a fait 20 conseils dans les instructions d'assemblage. Les notes de l'émission numéro 1063 contiennent chacun de ces liens. Maintenant, on est dû pour de la musique un peu, oui. Je pense. On va entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone qu'on entend pour la première fois à Assemblage Requis. On va la réentendre cet après-midi dans les palmarès C'est fou. Donc voici Timber et Sewer Blues. Assemblage Requis. Despise the Timber Timber et Sewer Blues à Assemblage Requis. On salue David Ferron qui fait pas sa chronique aujourd'hui. Habituellement, il est là à 8h30 avec nous. On l'a pas mentionné. Il est pas là parce qu'il regarde Lady Gaga au Super Bowl en boucle sur YouTube. C'est incroyable. Exactement. Et il dit en passant que si vous voulez un petit cue là, de ligne érotique, puis ça vous tente pas de payer pour ça, là, après, assez fou. Puis Tania va vous faire quelque chose, je sais pas. Elle va juste vous dire bonjour. Ça va de bon sens. Vous êtes vraiment pas cool. Ça va de bon sens. Hey, il nous reste une quinzaine de minutes, c'est juste assez pour la chronique bouche-trou par excellence. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique. La chronique dans laquelle on a mis une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, on est encore, au début du mois de février, pas mal. Mm-hmm. Hein? Donc, on parle encore de choses qui se passent en février. On fait toujours, habituellement, la liste des fêtes hétéroclites à fêter. On l'a déjà fait. Et cette fois-ci, c'est la liste des anniversaires à célébrer en février. Oh. Mm-hmm. Donc, certaines de nos figures historiques préférées sont nées dans le mois de février, le TheMantleFast.com. On peut pas toutes les nommer, mais quand même, commençons par le 1er février 1902. C'était la naissance de Langston Hughes. Qui est Langston Hughes? C'est un poète qui a été découvert après avoir réussi à intégrer un de ses travaux sous une assiette d'un artiste nommé Vachel Lindsay. Et finalement, il est devenu un des leaders de la Renaissance à Harlem. Ce mois-ci, le I2 Arts Collective, une OSBL qui soutient les artistes, ouvre l'ancien... en fait, est-ce que c'est l'ancienne maison de Hughes à Harlem? Les visiteurs de ce nouveau centre culturel, voilà, qui peuvent y aller et voir la dactylo de Hughes ainsi que son piano. Sweet. 3 février 1874, la naissance de Gertrude Stein. Pas Gertrude. Gertrude, une des plus grandes auteures américaines du 20e siècle, une des figures du mouvement du modernisme. C'est pas tout le monde qui l'aimait. En 1912, elle a envoyé un manuscrit à un éditeur londonien qui a dit que sa grammaire était inconventionnelle, peu conventionnelle, et son style n'était pas apprécié par cette personne-là. Donc, elle s'est fait écrire une lettre se moquant d'elle. Mais bon. Alors ensuite, le 4 février 1913, évidemment, Rosa Parks. Hein, le mois de l'histoire des Noirs ne serait pas complet sans Rosa Parks, la mère du mouvement de la liberté aux États-Unis, qui est devenue une icône des droits civiques en refusant de s'asseoir à l'arrière d'un autobus en Alabama en 1955. Vous avez certainement entendu parler d'elle pas mal pendant ce mois-ci, donc on va sauter par-dessus les détails. 7 février 1867, Laura Ingalls Wilder, ça te dit quelque chose? Non. Non? Non, ben c'est l'héroïne des jeunes lecteurs de La Petite Maison dans la Prairie, voilà, oui. qui a commencé à être édité en 1932. Donc, Wilder, oui, qui n'a pas publié son premier livre avant l'âge de 65 ans. Elle a écrit une douzaine d'autres livres après ça. Ensuite, le 11 février 1846, la naissance de Thomas Edison, un pionnier de plusieurs domaines. Il a inventé le phonographe, la caméra à mouvement et l'ampoule. De lumière, bien sûr. Il avait une entreprise à succès, un laboratoire de recherche. C'était un intervieweur pour se trouver des employés qui étaient assez excentriques, nous dit-on. Et puis, c'est pas mal ça. Il a aussi enregistré la première vidéo de chat. Ah, d'accord. Ah, ben, OK. Ensuite, le 12 février 1809, la naissance de Charles Darwin. Évidemment, son livre « On the Origin of Species ». Charles Darwin est surtout connu pour ça. Il a travaillé en fait dans la biologie évolutionnaire. C'est un naturaliste, qui était fasciné par les... ça veut dire les pénis de petits crustacés. Ah, d'accord. Eh ben. Ensuite, le 15 février en 1664, la naissance de Galileo Galilei. Ben oui. Galileo. C'est quoi, c'est pas la toune « Baila hi, baila ha ». Ben, là, non, ça te dirait? Oui, mais je comprends non. pas. Ben, Galilée. Oh, Galilée. Boy. Et non, boy, Mathieu, hein. Non, Mathieu. Et boy. Bref, qui a travaillé en physique, M. Galileo Galilei. À l'époque, c'était tout à fait révolutionnaire. C'est à peu près ça. Ensuite, le 21 février 1933, Nina Simone, dont tu en as parlé tantôt avec notre amie Justine Renaud, qui est née sous le nom de... Pas Justine, mais Simone, ici. Oui. Qui est née sous le nom de Eunice Wayman. Qui avait adopté son surnom, son nom de plume, nom de scène, lorsqu'elle avait 21 ans. Yep. Elle utilisait cette tactique-là, oui, pour empêcher sa mère de savoir qu'elle avait une carrière en chanson. Voilà. Ensuite, ça dit que c'était Nina, le nom que son copain lui donnait à l'époque. Et que Simone, en tant que telle, venait de l'actrice et chanteuse Simone Signoret. Ah! Et ouais. Elle a eu plusieurs succès. Bien sûr, son plus grand succès était « I Love You, Porgy ». Qui s'est rendu jusqu'au numéro 2 aux États-Unis dans le palmarès R&B en 1959. Ensuite, le 22 février 1732, la naissance de George Washington. Hein? Ben oui. Une des plus grandes figures de l'histoire de la politique américaine. On dit qu'il n'avait pas de deuxième nom. On a parlé tantôt de middle names. Il n'avait pas ça. Il est devenu citoyen honoraire de France en 1792. On lui a donné le plus haut rang de l'armée militaire américaine après sa mort. De façon posthume, pour que personne ne puisse être plus élevé que lui en rang. On dit qu'il a déjà oublié d'amener une Bible à une de ses deux inaugurations et investitures. Et puis, il était aussi un des pionniers du self-help, donc de s'aider soi-même. Il avait un texte qui s'appelle « Rules of Civility and Decent Behavior in Company and Conversation » qui contient 110 règles pour vivre, qui était copié d'un manuel composé par les Jésuites en 1595. Ça dit de ne pas cracher dans le feu. Ouais. Entre autres, dans ses conseils. En effet. Et le 27 février 1932, c'était la naissance de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. À peu près, le reste, c'est pas mal des anecdotes de vie. Bon, voilà, c'était les 10 personnes les plus. Une liste de 10 personnes célèbres qui sont nées en février. Je me demandais si j'en faisais un autre. On a des... je vais juste regarder si celui-là est faisable dans le temps qui nous reste. Ouais, on va l'essayer. On va l'essayer. Okay. C'est une liste de cures pour le lendemain de veille. Oh parce boy. Qu'hier, c'était l'entrepôt. Oui. D'alcool. Hein? Donc, depuis aussi longtemps qu'il y a de l'alcool, les humains ont de la difficulté le lendemain d'une buverie. Tout le temps. C'est à peu près ça. Donc, voici quelques petits conseils. On commence par de la sève d'arbre et des becs d'oiseaux. Arc. Ouais, lorsqu'on était lendemain de veille en Assyrie, un endroit du monde, j'imagine, Assyria. Oui, qui inclut en passant la Syrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, des parties de l'Irak, de l'Iran et de la Turquie. À l'époque, ça s'appelait la Syrie. Donc, on prenait des becs d'oiseaux, on les moulinait, on faisait une poudre avec et on mélangeait ça avec du myrrhe, qui est une résine de l'arbre Commiphora, et on mangeait ça. Le myrrhe est utilisé, entre autres, pour les parfums et comme teinture. Et donc, c'est ça. C'est apparemment ce qu'on utilisait. Ensuite, on utilisait des yeux de mouton marinés. Non, non. Ouais, plusieurs cures, en fait, plusieurs cultures recommandent de mariner des choses pour régler un lendemain de veille. Et en Pologne, on est supposé boire ce jus-là de cornichon directement du pot. Hein? Mais les Mongols, à l'époque de Genghis Khan, amenaient ça encore plus loin. Ils prescrivaient un déjeuner de deux yeux de mouton marinés. Apparemment que c'est toujours utilisé dans la région. Ouais, et on dit maintenant qu'on a un chaser, c'est le petit chaser qu'on boit après, de jus de tomate. Et on appelle ça un Mongolian Mary, comme un Bloody Mary. OK. Ensuite, on nous suggère, pour régler notre lendemain de veille, de lécher notre propre sueur. Pardon? Certaines tribus, oui, natives ou Native Americans, donc les Amérindiens, est-ce qu'on appelle ça comme ça de nos jours, qui croyaient donc que lécher notre propre sueur était la seule façon de se débarrasser de le lendemain de veille. Il faut bien sûr faire un petit workout, s'entraîner un petit peu le lendemain matin, et ensuite lécher les toxines que votre corps rejette, et on doit gargariser ça dans la bouche. Oh! Ensuite, on crache le tout, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Faut ben tout oui. cracher. Oui. Donc, c'est à peu près ça. Ensuite, on nous dit d'insérer par le nez le jus d'un autre arbre. Non. Donc, c'était en Angleterre au 17e siècle. L'auteur et herbaliste, je dirais, Nicholas Culpepper, qui conseillait de remplir nos passages nasaux du jus du tree ivy. Donc, Culpepper, qui a aussi fait une carrière de blâmer certaines maladies et affections sur l'astrologie. Donc, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Ensuite, du citron sous les bras. Ben voyons. Oui, à Puerto Rico, certains croient qu'on devrait se frotter une tranche de citron ou de lime sous le bras avant de partir boire. Certaines versions disent qu'on a seulement à faire ça avec le bras qui va boire. Ah ben donc, oui, si vous buvez la main gauche, bien sûr, on met ça en dessous du bras gauche. Explication libre de toute science, il n'y en a pas du tout. Mais ça dit que ça nous tient hydratés. Ensuite, des huîtres des prairies. À l'exposition mondiale de Paris en 1878, ce remède-là qui ne parle pas du tout d'huîtres, en fait, le nom est Prairie Oysters, mais ça n'a pas rapport avec les huîtres, en fait. C'est un œuf cru dans un verre de shooter avec du whisky et du tabasco. Il y a des variations aussi avec du vinaigre et de la sauce Worcestershire qui vont être ajoutées par-dessus. Non. Ensuite, du canari frit. À l'époque de la Rome antique... Pardon, on était assez hardcore. Après, évidemment, les parties étaient super intenses. Et on nous dit ici qu'on prenait un œuf cru de hibou et des poumons de mouton. OK. Ainsi que des canaris frits. Arc. Très bien. Ensuite, de la crotte de lapin. Les cowboys dans l'Ouest américain... allait se chercher des crottes de lapin, il faisait du thé avec ça, il buvait ça et évidemment le lendemain de veille disparaissait. On dit que le caca de lapin contient du sel et des éléments nutritifs comme du potassium. OK. Ah bon? OK. Vous pouvez manger une banane, nous dit l'article aussi, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Vous voulez. Ensuite, on nous dit de nous enterrer dans du sable mouvant. Ouais, donc c'est la légende irlandaise qui nous dit que si on veut se débarrasser d'un lendemain de veille, il faut aller à la rivière et s'enterrer jusqu'au cou dans du sable de rivière mouillée, donc du sable mouillé. À l'idée que ça va vous refroidir et ça va faire pomper votre sang, un peu comme une douche froide. Évidemment, une douche froide serait sûrement aussi efficace. On ne sait pas pourquoi le sable de rivière a un meilleur pouvoir que le sable de l'océan, mais quand même, c'est ce qu'ils font dans la légende irlandaise. Ensuite, du Coca-Cola et du lait. Dans les années 30, le Ritz-Carlton, un hôtel de New York, servait à ses clients qui étaient en lendemain de veille un verre de Coca-Cola mélangé avec du lait. Le barman en chef disait qu'après que quelqu'un l'ait bu, lui ou elle prenait une petite sieste et après ça, on se sentait super bien. Coca-Cola avec du lait. Ensuite, de la poudre de crâne et de la vipère séchée. C'est en Angleterre au 17e siècle, un homme, un physicien, est-ce qu'on appelle ça comme ça, un physicien, en tout cas, quelqu'un qui est fanatique de physique, là. Jonathan Goddard vendait un produit qu'il appelait Goddard's Drops. C'était de la poudre de crâne humain, de la vipère séchée et un spiritueux, ça dit Spirit of Hartshorn, qu'on appelle maintenant de l'ammoniaque. Ben oui. Oui, toi! Et c'est pas n'importe quel crâne, en fait. Il fallait que ce soit le crâne d'une personne qui avait récemment été pendue. Ah, rien de moins. Le roi Charles II, apparemment, était vraiment un fan de cette technique. Ensuite, le Highland Fling. Pendant plusieurs siècles, les Écossais se fiaient sur une concoction, un mélange spécial qui tuait le lendemain de veille, surtout le mal de tête qu'on avait le lendemain. On mélangeait du cornstarch, de la farine de maïs, dans du baveur, du buttermilk. On faisait chauffer ça, bouillir. On assaisonnait ça de sel et de poivre et on calait ça. Le drink partage son nom avec une danse populaire dans les années 1800, donc on appelle le Highland Fling. Sur la photo, on dirait un pudding à la banane. Ouais. Ça a l'air bon, je trouve, mais ça doit pas l'être. Ça doit pas, non. Ensuite, de la soupe. C'est quoi déjà un beau? C'est un taureau, je crois. Hein? Donc, de la soupe de pénis de taureau. Caldo de Cadran. Hein? C'est la cure pour le lendemain de veille qui est nationale, qui est la cure nationale, oui, de la Bolivie. On dit que les pénis sont servis entiers. Et on dit que ça mesure environ un pied et demi. Ouais. 18 pouces, c'est ça? Une fois que le pénis est bouilli dans un bouillon concentré pendant environ 10 heures, des morceaux de mouton, chèvre, laine, Agneau. De poulet et deux bouillis donc sont ajoutés à cette recette-là, en plus de riz et de pétates. Et c'est considéré comme un aphrodisiaque. On dit que ça règle aussi les problèmes de dos. Ben oui. Ensuite, on met du vinaigre sur les tempes. Sur les côtés de la tête. OK. Donc, ça vient du 19e siècle. Dans Medical Advisor, on essaie de régler ce lendemain de veille-là en buvant du vinaigre. Et ensuite, on en frotte sur ses tempes. Et si ça fonctionne pas, on nous dit de se mettre complètement nu et de se domper un seau d'eau froide sur la tête. Rien de moins. Rien de moins. Et pour terminer... Non, ça, c'est dégueulasse. Pour terminer, des couleuvres crues. Non. Une cure populaire en Europe médiévale. Donc, raw eels. Eels, c'est ça. C'est bien une... comment j'ai juste appelé ça, une couleuvre. Mm-hmm. Pour le déjeuner, au Portugal spécifiquement, la cure est de faire bouillir ça dans du vin et son propre sang. Le sang de la couleuvre, pas ton sang à toi. Hein? C'est ça. Donc ça, c'était populaire au Portugal. Hmm. Wow. Merci, mentalfloss.com, pour cette liste de cures pour le lendemain de veille. Ben oui. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 1063. Et voilà, c'est tout. On est arrivé juste à temps. Je vous l'avais dit que c'était une bonne chronique bouche-trou. On a réussi à terminer l'émission exactement dans les temps. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi aujourd'hui, bien sûr, à Justine Renaud qui a fait sa chronique Justine Pertine. Demain, mercredi, à l'émission, on aura Sébastien Evgartin à 7h30 pour sa chronique Butin Gartin. À 8h30, Xavier McLeish va passer pour parler de la huître. Oui. Avec un petit peu d'impro. À 9h, son ami Alfalfa le Lutin va être là pour parler de jeux de société et d'alcool. Je sais pas s'il va faire bouillir du vin et des couleuvres. Je sais pas. C'est demain entre 6h30 et 9h30 sur nos ondes. Plus tard aujourd'hui, à C'est Fou. À 10h, c'est la rediffusion du Mathieu Plante Show. À midi, c'est Cool être ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, est-ce que Tania va être de retour au Pamela C'est Fou? On verra. Point encore. Je te ferai pas dire grand-chose s'il y a de quoi. Ah, c'est vrai, t'as un rendez-vous cet après-midi. On verra. Bref, les palmarès C'est Fou à 14h. Ensuite, à 19h, et de l'horreur. Et Matière Noire est là à 21h avec du métal progressif. On se quitte avec The Darcy's, une nouvelle pièce du palmarès anglophone, Coming Up for Air. Et on se retrouve demain 6h30. Bye! Bon café! Unabandon your bones and let yourself go. Oh, oh, oh, oh. yourself a tool under a lock. 800 feet deep, you allow yourself a tool.